Portrait d'assaut sur Fadjet. Portrait d'assaut aujourd'hui consacré à l'association Alapha qui se trouve au 14 rue Jeannot à Nancy, tout proche de la radio d'ailleurs. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Karima. Bonjour Karima. Bonjour. Et Élise, bonjour. Bonjour. Élise qui est salariée de l'Alapha. Oui, exactement. Et en studio, nous avons aussi Suzy. Bonjour Suzy. Bonjour. Qui bien sûr prendra la parole si elle le souhaite pour poser une petite question. Élise, donc salariée de l'Alapha. Alapha, ça veut dire quoi ? Alapha, ça veut dire Association Lorraine d'Amitié Franco-Arabe. À la base, ça voulait dire ça. Ça voulait même dire franco-algérienne, parce que l'association a été créée en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie. Donc l'association accueillait tous les travailleurs algériens qui venaient en France et qui avaient besoin de parler français pour leur travail, notamment. Ensuite, franco-algérienne s'est changé en franco-arabe dans les années 70, avec toute l'immigration maghrébine. Donc là, il y avait également les Marocains, les Tunisiens. Et après, l'Alapha a commencé à accueillir toutes sortes de nationalités différentes en fonction des migrations en Lorraine. Donc aujourd'hui, on accueille vraiment des personnes du monde entier. Et on évite aujourd'hui de dire Association Lorraine d'Amitié Franco-Arabe, puisque les personnes pensent que nous accueillons uniquement des personnes arabes, ce qui n'est absolument plus le cas. Oui. On accueille des personnes de toutes les cinq continents. Exactement. Mm. Mais toujours avec cette volonté de l'association de favoriser l'apprentissage de la langue française. Ah oui, c'est exactement ce qu'on tout fait. Ça. C'est vraiment notre mission principale. En fait, on participe à l'intégration sociale et professionnelle des personnes qu'on accueille, des personnes étrangères, par l'apprentissage de la langue. On essaye de favoriser leur autonomie dans leur vie par l'apprentissage de la langue et de la culture française. On leur apporte les niveaux de langue nécessaires à chaque étape, on va dire, de leur vie, de leur intégration en France. Dans un premier temps, il faut qu'ils comprennent tout leur environnement social, qu'ils puissent communiquer avec tous les acteurs sociaux de leur quotidien. On leur enseigne ensuite le niveau de langue requis pour intégrer soit une formation professionnelle, des études, ou même intégrer le monde du travail. Et puis d'un point de vue aussi plus administratif, pour eux, ils ont besoin de certains niveaux pour des étapes de leur intégration. Par exemple, pour le renouvellement de leur titre de séjour, on leur demandera le niveau A2. Pour l'accès à la naturalisation, on leur demandera le niveau B1. Donc on peut les amener aussi à atteindre ces niveaux-là. Vous avez parlé de niveaux d'apprentissage A1, B1, B2. Vous pouvez juste nous expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Alors ça, ce sont les niveaux de langue basés sur un référentiel européen. C'est uniformisé dans toute l'Europe. C'est les mêmes niveaux que lorsque vous apprenez une langue étrangère, l'anglais, l'allemand, dans les lycées, c'est ces niveaux-là. Et en fait, donc ça va de A1 à C2, A1 étant le niveau débutant vraiment pour les personnes qui arrivent en France. Juste savoir se présenter, demander renseignements. Exactement, c'est vraiment des choses assez basiques. Savoir se présenter, savoir expliquer quand même un peu qui on est. Oui. Avec des mots simples, très très simples, pouvoir comprendre ce que quelqu'un nous dit, mais toujours dans un langage très simple avec des mots qu'on connaît. Jusqu'au niveau C2, où là on peut tenir des conversations très compliquées. Ah bah, le niveau C2, oui, c'est même, on peut tenir une conversation sans même réfléchir à ce qu'on va dire. Nous, on n'enseigne pas le niveau C2 à la fin, on s'arrête au niveau B2, ce qui est déjà un niveau assez, ce qui est déjà pas mal, oui. Assez avancé. Oui. Et on a également un atelier d'alphabétisation, là c'est différent, c'est pour les personnes qui n'ont jamais été scolarisées ou très très peu dans leur pays d'origine et qui doivent apprendre à écrire et à lire et à écrire donc en français, mais qui ne l'ont jamais fait dans leur pays d'origine. Donc là, c'est un cours un peu particulier, c'est un enseignement un peu différent que le français, ce qu'on appelle le français langue étrangère. Suzy, une remarque avant de donner la parole à Karima. Oui, ma question c'était si vous accueillez aussi pas mal de personnes peut-être qui parlent arabe et donc qui écrivent l'arabe. C'est pas le même alphabet du tout qu'en français. Est-ce, comment on résout cette difficulté? Est-ce qu'il y a... Enfin, dans les cours d'alphabétisation, c'est aussi apprendre rien que l'alphabet. Pour les personnes qui parlent arabe, qui écrivent en arabe, c'est le cas également pour les russophones, par exemple, oui, qui ont un alphabet cyrillique, ou les géorgiens, les arméniens, qui ont des alphabets vraiment très très différents du nôtre. Et encore une fois, là, on fait la différence entre les personnes qui ont été scolarisées et celles qui n'ont jamais été scolarisées. Par exemple, un syrien qui arrive à l'association, qui a fait des études supérieures en général, il maîtrise l'anglais complètement, il maîtrise l'alphabet latin sans problème. Après, il peut pas lire et écrire comme nous parce qu'il a besoin d'apprendre le français, mais ça relève pas de l'alphabétisation. Là, c'est vraiment pour les personnes qui, même en langue arabe, ne savent pas écrire. Alors, on va revenir après sur comment vous fonctionnez au sein de l'association. On va juste donner la parole à Karima. Karima, vous apprenez le français aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'ALAFA? Je suis à l'ALAFA depuis un an et demi, en débutant niveau 1 avec Nicole et après niveau B1 avec Brigitte et Claudine et après B2 avec Daniel. Et avant d'aller à l'ALAFA, vous aviez déjà des notions de français? Non, un peu c'est pas pareil maintenant comme avant. Le premier temps, un peu. Je parle un peu, je comprends un peu, j'écris un peu. Mais après, quand vraiment il y a des bonnes bénévoles là-bas, c'est une bonne école à la fin. La secrétaire, elle est vraiment gentille avec les gens, sérieuse. Il y a des autres activités, par exemple le samedi, Nathalie, les enfants là-bas, ils créent des histoires, ils parlent des histoires, des gâteaux, des jus. Moi et mes enfants, les parents et ses enfants. Et vous avez connu comment l'ALAFA? Par le bouche à oreille? Moi, je suis venue ici en France depuis 2 ans. Oui. Et après, je cherche une association pour apprendre la langue. Je trouve l'association à la fin. Merci, voilà. Karima. Karima nous a parlé de Nicole, de Nathalie, donc des bénévoles qui font vivre l'association avec vous, Élise, vous qui êtes salariée aussi. Oui, exactement. On a à peu près une trentaine de bénévoles. Majoritairement des personnes retraitées, mais pas que. On a pas mal d'étudiants aussi qui viennent donner des cours. Et on a également des stagiaires de l'Université de Lorraine. Il y a un cursus français langue étrangère. Oui. Et ça peut arriver qu'on accueille des stagiaires aussi de l'université. Et sans les bénévoles, l'activité ne pourrait pas exister. Non, c'est complètement grâce à eux que l'association continue d'exister. Et ils font un travail exceptionnel. C'est vraiment eux qui permettent à l'association de fonctionner, oui, effectivement. Oui. Karima nous a évoqué aussi d'autres activités à côté des cours d'alphabétisation, des cours d'apprentissage de la langue. Ça aussi, je pense que c'est des temps forts au sein de l'association tout au long de l'année. Oui, c'est vrai. D'un point de vue apprentissage du français, donc on a les cours de français langue étrangère. À côté de ça, on a des ateliers un peu plus thématiques, notamment un atelier de français à visée professionnelle. Oui. Donc là, c'est pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou en amont d'ailleurs de leur recherche d'emploi. On a une bénévole qui les aide un peu à comprendre comment fonctionne le monde du travail en France, parce que c'est pas si simple. Rédiger un CV, faire des entretiens d'embauche, parler de ses compétences, s'inscrire sur le site de Pôle emploi, c'est déjà une épreuve pas si simple quand on maîtrise pas la langue française. Tout à fait. On a également un atelier d'aide à la préparation des diplômes. À la fin, on ne fait pas passer de diplôme. On n'est pas habilité par l'État à faire passer les diplômes. On peut seulement les amener au niveau A1, A2, B1, B2, qui sont des examens particuliers. Et on peut les amener, nous, à préparer spécifiquement ces examens-là. Donc, on peut leur proposer ça. Et on a également des ateliers famille, donc ce que Karima vient de nous expliquer. Les samedis après-midi, ça peut être les mercredis, ça dépend. On a une bénévole, ou plusieurs d'ailleurs. Donc là, ça s'adresse aux parents de l'ALAFA et à leurs enfants. Mmh. Et ils font de la lecture de livres, ils font des jeux de société. Ça dépend, des activités différentes. C'est dans les envies de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait encore en fait? Les dessins, par exemple. Les dessins, oui, pour faire des gâteaux, dessins. Les jus, voilà. Pour moi, la secrétaire, elle est gentille. Le planning de la semaine, il est bien rempli avec Il est bien rempli, oui. Il est bien rempli. On a pas mal de monde à l'association. Là, on a fait la rentrée début septembre. On a déjà 250 personnes qui viennent apprendre le français. Alors, ils viennent pas tous les jours, ça tourne. Hein, parce qu'ils ont pas. On peut pas accueillir 250 personnes dans nos locaux. Mais oui, il y a du monde, ça tourne bien. Et j'en profite, on recherche des bénévoles, bien sûr. Ben oui, bien sûr, c'est le nerf de la guerre dans toutes les associations. Oui, exactement, on est toujours en recherche de bénévoles. Alors pour faire quoi? Alors pour l'apprentissage des langues, ouais. Pour accompagner les activités? Pour à peu près tout. À peu près tout, ben oui. Surtout, effectivement, on a un grand besoin de bénévoles pour les cours de français, et notamment pour les niveaux débutants, parce que c'est vraiment le nombre nombre d'inscrits. C'est eux qu'on accueille le plus. On a le plus de demandes pour les niveaux débutants. Et là, on recherche vraiment les bénévoles pour les... Et les bénévoles, alors, dans leur investissement, c'est quelques heures par semaine, quelques heures par mois. Comment ça s'organise, justement, si des auditeurs nous écoutent, n'ont pas forcément beaucoup de temps, travaillent, comment ça se passe? L'engagement à l'association, c'est 2 heures par semaine. Mmh. Après, ce sont des bénévoles, hein, c'est-à-dire que s'il y a une semaine... S'il y a des empêchements. C'est ça, s'il y a des empêchements, évidemment, ils ne sont pas obligés de venir. Mais en général, c'est 2 heures par semaine, c'est la durée d'un cours de français, de 1h30 à 2h selon le niveau. Donc voilà, si les bénévoles ils peuvent s'engager 2 heures par semaine sur l'année scolaire, c'est ce que je leur demande. Et vous avez une formation pour ces bénévoles avant de les mettre devant des personnes qui ne parlent pas forcément le français? Alors les personnes qui sont intéressées pour faire du bénévolat chez nous, ils viennent d'abord dans un premier temps, je les mets un peu en observation dans les différents groupes pour voir un peu comment ça se passe et comment... parce qu'on a vraiment des bénévoles très différents dans leur manière de faire, dans leur manière d'enseigner les choses, donc c'est intéressant pour les potentiels futurs bénévoles de voir les différentes manières de faire, voir ce qui pourrait eux leur correspondre le plus. Et ensuite il y a des formations, alors c'est pas nous qui donnons les formations, c'est des formations de 3 jours, il y a différents modules et c'est très intéressant pour les bénévoles. Et en fait c'est Côté FLE qui propose ça, c'est une coordination sur le territoire de français langue étrangère. D'accord. Donc à destination des associations, des personnes qui veulent apprendre le français et des bénévoles. Donc si des personnes seraient intéressées, des retraités, ça peut être aussi des étudiants qui peuvent vous rejoindre. On a des personnes actives également qui viennent plutôt en fin de journée, mais qui viennent faire du bénévolat après leur... Donc on vous contacte comment? Eh ben, soit on me téléphone. Je donne le numéro de téléphone de l'ALAFA directement? Oui. Le 03 83 32 92 77? Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Soit on vient me voir directement à l'association, de toute manière au téléphone, moi je dirais aux gens de venir à l'association afin d'en discuter directement, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr. Et donc vous êtes au 14 rue Jeannot, on leur dit, à Nancy. Hein. Oui. Karima, qu'est-ce que vous pourriez dire à des auditeurs qui seraient un peu comme vous pour leur donner envie de contacter l'ALAFA? Maintenant je parle, j'écris, je lis, il y a des bonnes bénévoles là-bas. Voilà. Très bonne école. Très bonne école, il n'y a pas meilleur argument que ça. Oui, pour moi, oui. Merci beaucoup Karima. De rien. Un dernier mot peut-être, Élise, vous aussi, pour donner envie à des auditeurs, soit de venir vous rejoindre comme bénévole, soit s'ils connaissent des personnes qui seraient un peu comme Karima, vouloir apprendre le français. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment, je ne dis pas ça parce que je travaille, mais je trouve que c'est vraiment une très belle association. C'est vraiment un environnement très agréable. Tous les bénévoles et même toutes les personnes qui viennent à l'association, tout le monde sont des personnes toutes très bienveillantes. Il y a vraiment un climat très... je sais pas comment dire ça, très... Chaleureux ? Oui, très chaleureux à l'association. Et en général, les apprenants sont plutôt satisfaits de ce qu'on leur propose. Un jour, il y a une apprenante qui m'a dit, là, à la fin, c'est comme une petite bulle en dehors du monde réel. C'est vraiment un moment pour eux, un endroit où ils peuvent... ils sont là pour l'apprentissage du français et tous leurs problèmes extérieurs, ils les laissent un petit peu de côté. Le temps de leur présence à l'ALAFA, et je pense qu'ils se sentent bien. Tous, hein, les bénévoles, les apprenants, et même moi en tant que salarié, je dois dire que j'apprécie beaucoup cette diversité de personnes que je rencontre au quotidien. Et voilà, donc toutes les personnes qui veulent apprendre le français, n'hésitez pas à venir, à vous présenter à l'association. Vous accueillera vraiment avec plaisir. L'ALAFA, c'est 14 rue Jeannot à Nancy. Je redonne le numéro de téléphone, c'est le 03 83 32 92 77. Il y a un site internet aussi. Il y a un site internet, oui, alafa.fr. Il y a une page Facebook, une page Instagram. Pareil, ALAFA. Et ALAFA, vous tomberez dessus. Merci beaucoup Élise, merci beaucoup Karima et merci Suzy. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.